retour à la case départ. Cette fois, on ne la lâchera plus. Déclaration paternelle qui se veut certainement aimante, mais qui sonne comme une menace à l'oreille de Faustine, dont l'échine frémit cruellement. Cette assertion ne provoque chez elle qu'une seule envie, fuir à l'autre bout du monde, là, maintenant, tout de suite. Malheureusement, ses bagages sont à quai dans cette gare de Cannes, quittée avec tant d'enthousiasme 2 ans auparavant. Et le train a continué sa route. Faustine n'a pas d'autre choix que de suivre sa famille. Manifester son désaccord, dénoncer l'injustice ressentie, avouer sa détresse d'avoir dû quitter la Suisse, son travail de serveuse, son père, sa fratrie, mais par-dessus tout Bernard, l'homme de sa vie, ne pourrait qu'avoir des conséquences fâcheuses. Elle affiche donc un air avenant, en dépit de la colère qui monte insidieusement, se promettant de retrouver sa liberté au plus vite. Papa conduit désormais une Citroën DS. Vous avez dit nausée? À Grasse, maman a tout organisé afin qu'elle se sente accueillie. Elle lui a déniché un studio indépendant dans une villa, a payé la caution, versé le premier loyer qu'elle ne lui demandera pas de rembourser, c'est dire. Le lit est paré, la poussière éradiquée, le frigidaire garni de bonnes choses. Il est convenu qu'elle déjeunera avec le reste de la famille les jours travaillés. Ce sera plus pratique. Maman conduit la visite des lieux, vantant chaque détail, terminant par « Le hic, c'est que ce n'est pas chauffé l'hiver. » « Ce sera suffisant, le temps que je trouve autre chose, » commande Faustine. « Bon, je te laisse t'installer, on se voit demain. » « Ben non. » À 19h, c'est une Faustine complètement paniquée qui réapparaît au logis parental, 300 mètres plus haut dans l'avenue. « Il y a des fourmis partout sur mon oreiller, qu'est-ce que je peux faire ?» Maman la renvoie fissa avec une bombe insecticide. Faustine en asperge le studio, puis elle passe la moitié de la nuit à repérer les chemins fourmiliers, à boucher les trous, pour finalement laver les sols à grande eau. Comme l'odeur chimique stagne, elle ouvre portes et fenêtres en grand. C'est les moustiques qui sont contents, voyant de la lumière. Ils entrent sans façon. Ma foi, tu veux vivre à la campagne, tu fais avec. Ah mais non, je n'ai jamais voulu habiter la Combrousse, moi. J'aime la ville, le goudron, le bitume, le béton et les fleurs coupées dans des vases. Je suis citadine, née dans une métropole. Je déteste les insectes et toutes les bestioles qui piquent. Ça commence bien, gémit Faustine en s'endormant, épuisée après sa chasse. Si ça continue comme ça, je me tire le jour de ma majorité. Le lendemain, à l'atelier, c'est plus calme. Solange, l'employée enceinte, à qui Faustine doit d'avoir quitté Bâle et son compagnon, s'avère très sympa. Pas du tout la bêcheuse décrite par maman. En moins d'une demi-heure, Faustine apprend que Solange a toujours vécu à Grasse, qu'elle s'est mariée à 19 ans avec un employé de banque, que celui-ci joue du saxo pendant ses loisirs. À 20 ans, elle attend son premier enfant. Son mari est un grand ami de Stéphane, qu'il a rencontré au conservatoire de Grasse. Il leur arrive de faire de la musique ensemble. Faustine est ravie de collaborer avec sa nouvelle amie jusqu'à la fin du mois d'avril. Maman, par contre, n'apprécie pas du tout cette bonne entente, qu'elle craint de voir s'exercer à ses dépens. Son désaccord se manifeste par de discrètes mises en garde. Elle demande à Faustine de ne pas trop parler, qu'elle ne parle pas de la vie privée de ses parents, par exemple, qu'elle ne fasse pas de confidences qu'elle risquerait de regretter un jour. Mais les deux jeunettes, avec toute la fougue de leur âge, n'en tiennent pas compte. Si encore maman oubliait sa sacro-sainte pudeur et acceptait d'écouter Faustine, si elle la traitait en femme, en égale, maintenant qu'elle a prouvé son autonomie, pourquoi pas? Faustine n'aurait pas besoin d'une écoute extérieure. Or, pour maman, la seule histoire d'amour qui vaille est la sienne propre, et à toutes les autres, elle oppose un péremptoire. Ça n'a rien à voir, n'essaye même pas de comparer. Dans l'immédiat, Solange est le seul recours de Faustine. Avec elle, il est possible de parler de ses amours, de son Bernard, de la vraie vie, quoi. De son côté, la future maman évoque sa grossesse, ses attentes et ses rêves. Elle parle aussi bien de l'aménagement de la chambre du bébé, de la confection de sa layette que de ses craintes d'une maladie éventuelle ou d'une difformité. Faustine écoute, apprend, compatit. Elle emmagasine les informations utiles, non sans une pointe d'envie parfois. Dès que Solange a tourné le dos, maman fait remarquer, vipérine, que lorsqu'elle était enceinte, elle ne faisait pas un tel foin de son état. Non, mais écoutez-la, on croirait la Sainte Vierge en personne. Loyale, Faustine poursuit son travail en silence. Dommage que Solange nous quitte à la fin du mois, pense la jeune femme. Elle comprend néanmoins que maman, en tant qu'artisan, ne pourrait employer deux personnes à plein temps. Les charges seraient beaucoup trop lourdes. D'ailleurs, Faustine elle-même n'a qu'un statut d'aide familiale, car il épargne à ses parents les formalités inhérentes à l'obtention d'un permis de travail. Le jour où elle voudra bosser ailleurs et se verra contrainte de faire elle-même toutes les démarches en ce sens, elle s'en mordra les doigts. En attendant, papa prétend qu'ainsi, il peut lui offrir un salaire plus important. Elle accepte donc ingénument de gagner 4 fois moins qu'en Suisse. Les premières semaines, Faustine se familiarise avec son environnement. Ses parents ont pas mal transformé le jardin et la maison après son départ. Il y a désormais un grillage autour du cerisier. « Il protège les poules », commente Stéphane. Excepté quand il fait froid, elles vont toujours dormir dans l'arbre. En plus de leurs grains, on leur donne tous les restes de la maisonnée. Elles sont omnivores, mangent aussi bien les pâtes que la fondue. D'ailleurs, les spaghettis de la veille pendent encore aux branches. C'est très rigolo ce cerisier pasta. Faustine est épatée. Quant au citronnier, il a bien prospéré. Nourri au gaz d'échappement des camions qui défilent sur la route. Au pied de l'escalier, il y a 2 gamelles destinées aux chats, supposées chasser les souris dans les pièces d'entrepôt. Les parents ont accepté de les adopter, à condition qu'ils restent dehors la nuit. La bâtisse elle-même est imposante et rustique, sobre, sans gaspillage de place. L'appartement du haut comporte, outre la cuisine et la salle de bain, un immense salon salle à manger, la chambre des géniteurs avec vue sur la mer et celle de Stéphane, surchargée de ses posters préférés. Les parents ont fait fabriquer une table et des bancs en noyer par un artisan menuisier. Maman est fière de posséder des meubles sur mesure. C'est la première fois que ça lui arrive, à 42 ans. Ce grand luxe leur a coûté un bras, mais l'ensemble en jette. Pratique, il se marie parfaitement avec le buffet cossu qui le jouxte. Tout autour de la partie salon trône un confortable canapé revêtu de velours côtelé marron. Dans le fond, il y a une cheminée, simple décoration, vu qu'on a le chauffage central. Depuis les balcons, le regard survole des plantations d'oliviers et de citronniers, des villas typiques, des mâts provençaux, jusqu'à la mer que l'on voit briller dans le lointain. Faustine admire sans réserve. Au rez-de-chaussée, outre l'atelier, il y a le bureau de papa, la grande salle du stock à côté de celle des réserves de paniers. Une petite douche et un WC séparés viennent compléter l'ensemble de ce que Faustine considère encore comme une prison. Pendant son temps libre, Faustine retrouve la cité grassoise de son adolescence. Remontant l'avenue du maréchal de Lattre de Tassigny, elle aboutit aux casernes dans le sud de la ville. Elle dépasse le supermarché Casino, pourvoyeur du whisky maternel, puis prend la rue Sainte-Laurette jusqu'à la route Napoléon. Nous partîmes 500, mais par un prompt rond fort. Rien à voir avec le Cid. Mais elle aime imaginer le petit général rejoint par ses troupes sur cette même route. Partout, du linge pend au balcon. Des touffes de lavande, de romarin, de thym débordent des jardinières posées sur les fenêtres. On entend derrière les persiennes les habitants s'interpeller « Avec l'accent !» L'air diffuse des senteurs de ratatouille et de bouillabaisse qui ouvrent l'appétit. Ragaillardi par ses manifestations familières, Faustine rejoint le boulevard Émile Zola. Elle sait que la bibliothèque se trouve 2 rues plus haut. elle ira s'inscrire. Faustine aime la vieille cité aux ruelles si serrées qu'on peut toucher deux maisons simplement en écartant les bras. Place du cours Honoré et Crespe, elle débouche sur une fête foraine. Déambule parmi les badauds, résiste aux appels des fritures, s'approche du panorama, profite de la plongée jusqu'à Cannes, puis poursuit en direction du jeu de ballon. Elle arrive chez Jean-Charles, juste à temps pour son rendez-vous. C'est maman qui lui a suggéré de changer de tête. « Tu as l'air d'un plumeau. Essaye mon coiffeur, place de la Foue. Tu verras, il est sensationnel. Demande-lui de te faire une coupe courte avec des mèches. Ça t'éclaircirait. » Pourquoi pas? Faustine téléphone d'autant plus volontiers qu'elle a reçu une avance sur sa paye. Quelques boucles blondes m'iraient bien, se dit-elle. La coiffeuse déléguée agrée et passe les cheveux de sa cliente dans le bonnet à trous. Las, quand elle sort de sous le casque, la voilà totalement blonde. Il faut croire que les mèches étaient nombreuses. Faustine rentre chez elle un peu désappointée, mais se disant qu'après tout, personne ici ne la connaît. Hélas, face au miroir. Catastrophe. Horreur. Sous sa tignasse blonde, les sourcils noirs font un contraste grotesque. Faustine en est carrément choquée. Impossible de remonter se plaindre, exiger réparation. Le salon est fermé. La voilà hideuse, bloquée chez elle jusqu'à mardi. Au téléphone, on lui suggérera alors de l'eau oxygénée. Elle courra en acheter pendant la pause. Elle en usera et abusera, espérant retrouver figure humaine sitôt les brûlures disparues.